midi avec la chanson française de Maxi France et les années 80. À l'instant, c'était le club avec un fait divers. Et rien de plus, on avait juste avant les années 90 avec Luc de la Rochelière, Sauver mon âme. Bon après-midi avec nous. Et la chanson française ne touche à rien, on arrive juste après ça. La radio qui vous fait chanter en français, voyager aussi en français. Luca, Mamma Mia, ça sera juste après Téléphone, qui arrive tout de suite les années 80, justement avec Un Autre Monde.